Le Parti socialiste populaire du Mexique a organisé devant l'ambassade américaine au Mexique une manifestation contre les menées de provocation des États-Unis contre la République populaire démocratique de Corée. Y ont pris part les personnalités du dit parti et autres habitants.